Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire à Moncton, le poète Gérald Leblanc et la quête de l'Acadie. L'apprentissage de l'écriture, c'est aussi l'apprentissage de la liberté. On a une très, très grande liberté devant la page blanche. Et devant ça, je me suis dit, ben, jusqu'où je peux aller? Et il m'a semblé que la poésie se prêtait très bien au type d'expérience que je voulais faire sur la langue, sur le langage. Le poète Gérald Leblanc, au Ce soir Acadie, le 2 novembre 1993, plus qu'un simple poète, Gérald Leblanc a été, à partir du début des années 70, l'une des figures de proue de la vie culturelle acadienne. Poète, éditeur, formidable animateur culturel, Gérald Leblanc a imaginé une modernité acadienne dont l'épicentre était situé à Moncton, d'où vous parvient cette émission. Et ce centre culturel Aberdeen, où nous nous trouvons aujourd'hui, Gérald Leblanc le connaissait aussi comme le fond de sa poche pour y avoir travaillé pendant de nombreuses années. Donc, ceci, c'est une chanson de 1755, mais c'était d'abord un poème qui s'appelle Rue Dufferin, où j'ai habité. Donc, dans la ville, il y a beaucoup de monde. Dans la ville, je me promenais à Moncton, Rue Dufferin. Il y a beaucoup d'arbres, même si les rues sont sales. Dans la ville, il y a beaucoup de monde à Moncton, Rue Dufferin. Les vieilles Anglaises, l'autre bord de la rue, n'aiment pas mon chien, mais ça fait rien, ils les aiment pas, lui, non plus. Dans la ville, il y a beaucoup de monde. Toutes sortes de faces à toutes sortes de places à Moncton, Rue Dufferin. Il y a beaucoup d'arbres, même si les rues sont sales. Je suis pas loin du campus, puis je suis pas loin de chez Luane. Dans la ville, il y a beaucoup de monde, puis des fois, je m'ennuie de toi. L'œuvre de Gérald, je pense, est faite de beaucoup plus que ses livres. En fait, sa vie est une œuvre, je pense, parce que vraiment, il s'est battu sur tous les fronts. Il a fait valoir son œuvre, l'œuvre des autres. Il a, pour faire connaître l'Acadie contemporaine, si on veut. Il avait dit à un moment donné, France, il dit, la seule raison pourquoi ce que j'ai fait tout ça, c'est parce que je voulais écrire, puis c'est comme si qu'il fallait que tout ça existe pour que moi aussi, je trouve ma place là-dedans. L'écrivaine acadienne France Daigle à l'émission Sans frontières au moment de la mort de Gérald Leblanc en mai 2005. Juste avant, vous entendiez Gérald Leblanc réciter son poème Rue Dufferin dans le documentaire L'extrême frontière, l'œuvre poétique de Gérald Leblanc, un documentaire de Rodrigue Jean. Pour nous parler de l'œuvre, du parcours également de Gérald Leblanc, je reçois le réalisateur et homme de lettres Herménégil Chiasson, qui a aussi été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick de 2003 à 2009. Herménégil Chiasson, bonjour. Bonjour. Quelle importance il a eu, Gérald Leblanc, en Acadie, M. Chiasson? Ben, je pense qu'il a eu une influence énorme parce qu'il arrive à un moment donné dans la littérature acadienne après Antonin Maillet, qui, la grande œuvre, je dis toujours, de Mme Maillet, c'est d'avoir fait le passage de l'oral à l'écrit. Donc, nous, notre génération, on est un peu les premiers écrivains parce que mais l'oralité reste toujours très, très proche. Et Gérald, c'était véritablement un personnage. Il tenait court, toujours. Ouais. Il avait toujours beaucoup de gens autour de lui. Beaucoup de gens aussi qui étaient très intéressés par ce qu'il avait à dire. Mais il avait aussi un style, il avait aussi une manière de parler. C'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour dévastateur. Il valait mieux être de son côté que pas de son côté, parce qu'il pouvait arriver à générer des rires fulgurants. C'est quelqu'un qui, comme écrivain aussi, a été extrêmement intéressant. Important par rapport au fait qu'il a introduit le thème de l'urbanité. Jusque-là, la littérature acadienne, ça reste quelque chose d'assez folklorique, d'assez tourner vers le passé, la terre. Voilà, exactement. Ouais. Et lui, ce qu'il introduit, c'est véritablement une nouvelle dimension, cette dimension de l'urbanité et aussi de l'américanité. Oui. Parce que, et l'américanité, pour nous, souvent, ça voisinait pas mal de l'États-Unité. Ouais. Et Gérald provient en grande partie d'une culture anglophone et donc était très à l'aise dans ce monde-là. Donc, je pense que c'est ces deux dimensions-là. Et aussi, il a fait une œuvre qui est très, très abordable, une œuvre qui est authentique, qui était toujours très proche de lui. Je pense que c'est une œuvre qui est écrite au jeu. Ouais. C'est une œuvre très sincère et c'est toujours une œuvre qui génère une émotion. Ouais. Et tout de suite, on écoute les mots de Gérald Leblanc. Au matin, je te french le cul et tu coules sur la ville. Tu me froliques les reins avec des éloises. Je me perds dans tes poils. Tu me fais bander en couleur. Je te bois comme la moussède. La main de Moncton rote le chiac et nous parlons sauvage dans un pays de coups de poing. Je pense que c'est l'héritage des Beats, parce que de se brancher sur sa sexualité, sur toute cette question de sensualité, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà avec Ginsberg, avec Kerouac, avec les restes. Et Gérald et moi aussi, je crois, d'une certaine façon, fait partie de cette tradition-là. Et c'est juste un refus de tabou. Il y a plusieurs éléments dans la création poétique, enfin dans le métier de la poésie. Il y a le rythme, il y a le sens, mais il y a aussi le son. Et comment est-ce qu'on interprète et comment est-ce qu'on crée des phrases pour justement bousculer la syntaxe habituelle et de briser les perceptions ordinaires pour justement ou faire ouvrir le rideau sur l'existentiel, sur l'essence, l'essentiel de la nature, de la réalité de la vie humaine. J'étais waiter dans un abri nucléaire, en stand-by pour une autre planète. Je voulais écrire une lettre d'amour, car ma plume enregistrait 6.5 sur l'échelle Richter. Les personnages de Lawrence Ferlinghetti venaient souvent. Andy Warhol imprimait les menus sur les arts cristallins de Philip Glass. Nina Hagen se teignait les cheveux dans le lavabo pendant que je rinçais les verres radioactifs. Et je rêvais de Moncton, nostalgie d'un passé où j'avais compris que toutes mes mémoires se ranimeraient dans le refoul éternel du petit Kodiak. C'est Zachary Richard, vous entendiez dans cet extrait du documentaire de Rodrigue Jean, L'extrême frontière. Et à la toute fin de l'extrait, vous l'avez probablement reconnu, Gérald Leblanc, qui récitait l'un de ses poèmes à l'émission Les belles heures en 1985. Parlons de cette langue, la langue de Gérald Leblanc, Herménégilde Chiasson. Il y a beaucoup à dire. Comment la décrire, cette langue-là? Bien, je pense que c'est une œuvre qui est très américaine en un sens. Et quand je lis, j'ai l'impression que je lis des poètes américains. Ce n'est pas une œuvre formelle, ce n'est pas une œuvre très recherchée dans des métaphores éclatantes, éblouissantes et obscures. C'est une œuvre qui est faite pour nous parler directement. Et une des particularités de la poésie américaine, c'est la narrativité. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il raconte une histoire. Lorsqu'on lit, par exemple, des poèmes de Gérald, on a l'impression que c'est un même discours qui a été découpé pour le mettre en vers, pour le versifier. Et par rapport à la langue, il a écrit sur le chiac très, très peu, en fait. Et il a aussi écrit presque toute son œuvre en français standard. Ouais. En fait, il était... comment je pourrais dire? Évidemment, il appuyait cette démarche-là. Je veux dire, il provenait de ce monde-là, donc c'est quelque chose qui lui parlait beaucoup. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose avec lequel il a composé énormément. Donc, finalement, il a été assez puriste, finalement. Ouais. Il a écrit l'éloge du chiac, mais en gros, vous dites, c'est une langue assez châtiée, même. Oui, absolument. Ouais. Je veux dire, c'est une langue très littéraire, en un sens. Et je pense qu'il a écrit l'éloge du chiac pour, justement, appuyer, pour dire qu'il était solidaire de cette démarche-là. Et c'est ce qui lui a attiré beaucoup de jeunes artistes qui venaient le voir, qui venaient le consulter, pour des choses souvent sur lesquelles Gérald n'était pas spécialiste. Par exemple, les gens venaient lui parler des arts visuels. C'est sûr qu'il connaissait beaucoup de choses, mais je veux dire, c'était un autodidacte, et donc il y avait beaucoup de trous, disons, dans sa formation. Mais je pense qu'en règle générale, ce qui a attiré les gens beaucoup à lui, c'est sa générosité. C'est quelqu'un qui, avec son temps, était extrêmement généreux, pouvait recevoir des gens, parler, etc. Était très, très proche des gens dans ce sens-là. Une langue de qualité, dites-vous, mais une langue moderne aussi, une langue où on joue. Zachary Richard parlait de ces libertés qu'il s'accorde, liberté syntaxique, une langue. Il y avait Plamondon qui avait écrit cette chanson, « Donne-moi des mots qui sonnent, qui résonnent », mais c'était ça, c'était une langue qui sonnait, celle de Gérald Leblanc. Oui, absolument. Puis l'utilisation d'un vocabulaire qui n'était peut-être pas un vocabulaire courant, avec des mots, des fois, qui apparaissent dans le texte, et on se dit d'où est-ce que ça sort, comme ouais. radioactif, par exemple, ouais. dans l'extrait qu'on a entendu tantôt. Je veux dire, c'est un mot extrêmement moderne, la radioactivité. Donc, il l'utilisait, justement, pour faire un peu des effets de surprise. Langue très crue aussi, la sensualité, la sexualité, c'est très présent dans son livre. Ça, c'est une des particularités aussi. Et l'homosexualité, qui était un thème très, très rare à l'époque, et qu'il a abordé vraiment de front, le désir, la sensualité, la sexualité, sont des choses qui, dans la littérature acadienne, jusque-là, étaient quand même assez, assez peu remarquées. Ouais. Vous le disiez au début de l'émission, quand je vous demandais quelle importance il a eu, vous avez tout de suite fait ressortir le fait que c'était quelqu'un qui avait un humour extraordinaire, mais une personnalité très forte. Parlez-moi de ça, de l'écrivain public, de l'homme qui aimait la scène. Vous en parlez, vous avez écrit un texte sur Gérald Leblanc où vous le comparez à une espèce de griot, d'écrivain du peuple. Parlez-nous de cet aspect-là de lui. Oui, c'était un personnage public, Gérald. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il était aussi volubile, il était aussi créatif par rapport à l'oralité, c'est le fait qu'il vivait seul. Il a vécu toute sa vie seul. Et lorsqu'on lit, par exemple, les lettres qu'il écrivait à son ami Olivier Roy aux États-Unis, on se rend compte que ce qu'il voulait, c'est avoir une relation affective stable et tout. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas produit durant sa vie. Et évidemment, quand il sortait, moi, c'est mon explication, ça peut peut-être boiter, mais je me dis que quand il sortait, il était tellement heureux de se retrouver avec des gens qui l'entendaient, qui l'aimaient, qui l'écoutaient, qu'il devenait comme un personnage, comme un créateur. Il nourrissait de ça. Oui, dans ce sens-là, il me fait un peu penser à Gaston Miron. Oui. Qui, sur la place publique, était quelqu'un de très, très présent. Il connaissait Miron, d'ailleurs, l'aimait beaucoup, citait beaucoup la célèbre phrase « Je suis sur la place publique avec les miens ». Et c'est là où Gérald était vraiment à l'aise, sur la place publique, avec les gens qui l'aimaient et qui l'aimaient. Ouais. Pour ce qu'il a apporté à la littérature acadienne et plus largement à l'Acadie, vous parlez beaucoup du fait qu'il, c'est votre expression, je pense, qu'il a cartographié l'Acadie. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important pour vous, cette notion-là? Mais c'est la notion de la diaspora. Et Gérald et moi, on était très alliés dans ce combat-là parce qu'on était pas très d'accord avec l'idée qui dit que partout où il y a un Acadien, c'est là que l'Acadie se trouve. Nous, on disait non, il y a un territoire acadien. Et ce qu'on doit refaire, c'est essayer d'actualiser ce territoire-là, qui se trouve là où se trouvait l'ancienne Acadie. Et c'est pour ça que des idées comme le Congrès mondial acadien, je pense que Gérald n'a jamais été trop en faveur de ce projet-là, qui, par ailleurs, mobilise énormément de gens, et c'est louable, mais je pense que dans notre combat, si on peut l'appeler comme ça, je pense que ça n'entrait pas véritablement. Ça nous a amené beaucoup de problèmes. Je me souviens, à un moment donné, que pour le premier Congrès mondial acadien, Gérald est parti à New York. Et on s'était dit, on va se faire une correspondance. Tu m'écriras de New York, je t'écrirai de Grand Barachois. Et je pense qu'on s'est échangé une lettre seulement. Je pense qu'il se passait beaucoup plus de choses à New York qu'à Grand Barachois. Ça a donné un livre très, très mince. Oui, c'est ça. Ça a donné un livre très mince. Dans cette volonté de cartographier cette Acadie, de rendre ce pays réel, et que l'imaginaire rejoigne le réel, justement, il y avait un épicentre. Dans le cas de Gérald Leblanc, cette Acadie-là, son épicentre, c'était clairement Moncton. La rue où je suis, les bruits et le clinquant, la rue enveloppée d'une configuration de néon, la rue lascive, la rue de 4 heures du matin, la rue Bessie Smith, la rue lascive, la rue de 4 heures du matin, la rue Bessie Smith, la rue Dufferin, la rue Rolling Stones, la rue du monde de rue, la rue des rencontres, la rue perdue sur laquelle on débouche, la rue fidèle des infidèles, la rue des blancs manteaux, la rue du café du monde, la rue riche ou les rues intéressantes, la rue où Dante aperçut Béatrice, la rue paresseuse d'un après-midi lent, la rue Saint-Denis, la rue St. Mark's Place dans l'East Village, la rue de Bourbon, la rue de Bourbon, la rue de n'importe quoi, la rue de la ruse d'être là. Il a été capable de donner comme ça, comme un poète qui, à force de le dire, partout, je l'ai entendu le dire en France, je l'ai entendu le dire au Québec, je l'ai entendu le dire dans des restaurants, dans des bars, dans des cafés, que Moncton est une ville. À la limite, je ne veux pas dire qu'il était le seul à le croire. On a fini par le croire. Mais il a parlé de Moncton comme si c'était une capitale culturelle. Il me décrivait toujours qu'il y avait ben des cafés. Je trouvais toujours qu'il y en avait juste deux. Qu'il y avait ben des bars. Il y en avait toujours juste deux. Mais il les rendait plus Manhattan que Manhattan. Moi, je pensais qu'on pouvait même nommer une chose qui serait, on pourrait dire, l'école de Moncton. À nouveau, un extrait du documentaire « L'extrême frontière ». On y entendait Marcia Babineau réciter un poème de Gérald Leblanc. Et ensuite, Claude Beausoleil parler de la place qu'a occupée Moncton dans la vie et dans l'œuvre de Gérald Leblanc. Parlez-nous de ça, René-Gilles Siasson. Quelle place occupe Moncton pour lui, dans son œuvre, dans sa vie? Bien, c'était une énorme place. Je pense que dans un de ses livres, il dit qu'il a la tête à New York et le cœur à Moncton. Et je pense que... Il disait souvent qu'il y avait deux villes dans le monde, c'était New York et Moncton. Et c'est un peu pour revenir à Beausoleil, c'était évidemment très mythologique, et Gérald, quand il vous racontait une histoire. Justement, je parlais tantôt du fait qu'on est arrivé après Madame Maillet et que donc ce qu'elle a fait, elle a fixé l'oral. Mais l'oral a continué. Oui. On a toujours été. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il y avait des soirées, des lectures de poésie, ça frappait les gens énormément à cause justement de cette oralité-là. Et je crois que Gérald, par rapport à Moncton, avait construit un peu. Il y a une ville construite qu'il s'est fait par rapport à Moncton. Et c'est devenu véritablement mythique. Mais quand on pense que, quand on est acadien ou francophone à Moncton, on vit une... À l'époque, en tout cas, on vivait une vie qui était assez marginale. Je ne sais pas si vous avez visité un peu Moncton, mais il n'y a pas énormément de noms de rue, par exemple, en français. Mais je pense que pour lui, il y avait quand même un noyau intellectuel qui le nourrissait. Je pense qu'à partir des années 70, Moncton devient vraiment important à cause de l'université qui va générer des institutions littéraires de toutes sortes. Et je pense que Gérald s'inscrit dans cette mouvance-là. Oui. La question de Moncton, elle est intéressante quand on parle même de votre propre relation avec Gérald Leblanc. Sur cette question-là, déjà, sur la centralité ou pas de Moncton dans cette géographie, dans cette territorialité acadienne, vous vous êtes heurté. Parlez-moi un petit peu de la relation que vous avez eue avec lui. Où vous êtes-vous rejoint, René-Gilles Siasson, et qu'est-ce qui vous a finalement, graduellement, éloigné l'un de l'autre? Je crois finalement que c'est la littérature, c'est les livres. On faisait essentiellement le même métier, les mêmes choses. On a connu énormément d'espoir et d'aventures ensemble. Et principalement relié sur le fait qu'on voulait vivre ici, construire quelque chose ici. Et je pense que Gérald a transmis ça aux gens qui sont venus par après, c'est-à-dire aux jeunes artistes qui l'ont fréquenté d'abord. Mais c'est comme un esprit qui s'est installé, qui fait que maintenant, il y a des artistes qui habitent cette ville. Autrefois, si vous étiez artiste, c'était pratiquement un billet pour Montréal. Ouais. Et ça s'est produit, mais dans un certain climat, parce qu'il n'y avait pas d'institution, justement, pour appuyer ces démarches-là. Et il y a un de mes amis, le peintre Roméo Savoie, qui m'a dit un jour, tu sais, on a tout fait. C'est-à-dire, on a tout fait dans le sens où il fallait qu'on fasse les œuvres, il fallait qu'on gère des galeries, qu'on demande des subventions, qu'on se critique, qu'on se collectionne, qu'on assiste à des vernissages. Donc, on était un peu comme une espèce d'escouade culturelle. Et je pense que c'est toujours très grisant de vivre ces moments-là de n'importe quelle aventure humaine. Et je pense que ça a été ça, notre lien. Et après ça, je crois qu'on s'est éloigné pour une raison vraiment bête. Je pense qu'il croyait que j'étais contre le chiac, ce que je n'ai jamais été. Je n'écris pas en chiac parce que ce n'est pas ma culture. À partir de ce moment-là, il y a eu comme un éloignement. Mais vers la fin de sa vie, on s'est rapprochés. Et je pense que s'il avait vécu, on serait redevenus amis. Et sur le territoire, vous étiez plus dans une vision de l'Acadie qui débordait Moncton. Lui, c'était vraiment très centré Prêt sur Moncton. Oui, effectivement. Je pense qu'à cause, justement, de l'université qui canalisait énormément de choses, ça a fait que les autres régions, le Nord, entre autres, n'a pas produit la même culture que celle qui s'est produite à Moncton et n'a pas non plus eu à faire face ou n'a pas non plus bénéficié, jusqu'à un certain point, des avantages d'avoir un climat intellectuel qui a favorisé tout ce qui s'est produit. J'en ai connu plusieurs, des fois changeais souvent. C'était avant que t'arrives, c'était avant ton temps. À cette heure, c'est plus pareil, je vois plus ça comme avant. Le monde a bien changé. Moi, ça a été vraiment une très très grande leçon pour moi d'écrire des chansons en tant qu'écrivain. Parce que ça m'a permis de préciser la langue. Puis c'est sûr que quand on écrit une chanson, on ne peut pas mettre un mot de 5 syllabes. Parce que là, les mâchoires vont leur barrer. Puis, donc, il fallait vraiment dire ce que j'avais à dire, mais avec les mots les plus simples possibles. Mais ça, quand j'arrive à faire des poèmes après ça, je me rends compte que plutôt que mettre un grand mot sur lequel on peut trébucher, est-ce que le mot plus simple et plus juste et plus précis n'irait pas là? Alors, ça a été aussi un laboratoire pour l'écrivain que je suis devenu. Le monde a bien changé. Sur la chanson du groupe 1755, Le monde a bien changé, vous entendiez Gérald Leblanc, l'émission Ce soir à Cadix, en novembre 93. Il a été parolier, premier parolier du groupe 1755, Gérald Leblanc. D'autres artistes vont aussi interpréter de ses textes. On ne peut pas faire une émission sur Gérald Leblanc sans parler de l'immense importance qu'a eu la musique pour lui, René-Gilles Chiasson, de différentes façons. Il a écrit des textes de chansons, mais la musique, elle est partout dans son œuvre. Oui, absolument. Il cite aussi beaucoup de chanteurs, d'interprètes, beaucoup états-uniens, mais il y a des références qui sont revenues, évidemment, le 1755, mais après ça, il y a eu d'autres groupes, comme Idée du Nord ou Les Païens, et Marie-Jo Thériault, qui a mis beaucoup de ses textes en musique. Donc, et il avait une grande admiration pour Marie-Jo Thériault, parce que avec sa chanson à Moncton, elle a véritablement... Je dirais pas imposée, mais elle a attiré l'attention sur cette notion-là du Chiac, que ça pouvait être une langue poétique. Donc, c'est sûr que pour lui, la musique, c'était vraiment central parce que ça se connectait sur le corps, ça se connectait sur la notion de la sexualité et de la fête. Ça devenait vraiment comme un univers et un monde qui l'alimentait constamment. Je crois que la musique, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué durant toute sa vie, autant lorsqu'il était très, très jeune, ouais. Et qu'il entendait les gens qui jouaient du violon, comme quand plus tard, il va être plus intéressé, évidemment, par le rock ou le soul. Herménégil Chiasson, merci beaucoup. Merci de votre générosité. Merci d'avoir été avec nous. Poète, dramaturge, réalisateur, ex-lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Merci, M. Chiasson. Merci à toute l'équipe du Centre culturel Aberdeen. Merci à nos collègues de Radio-Canada Acadie pour leur formidable accueil. Merci à vous de vous être déplacés. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Alors, on va, pour, je sais pas, 5-10 minutes, prendre quelques questions, quelques commentaires du public. Si vous avez des questions à poser à Herménégilde Chiasson, c'est le moment. La parole est à vous. Première question. Oui, bonjour, Anne Godin. Comme animatrice, moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer souvent. C'est un homme que j'aimais et que j'admirais beaucoup. Et Hermé, moi, j'avais l'impression qu'il était proche de toutes les couches de la société. Parce que, pas seulement de la couche intellectuelle de l'Acadie, mais de tout le monde. Et j'avais fait l'exercice une fois, j'avais demandé à des gens dans la rue, monsieur, madame, tout le monde, s'ils connaissaient Gérald Leblanc, et tout le monde le connaissait. Donc, j'avais cette impression qu'il était proche, peut-être à cause de 1755, je ne sais pas, mais qu'il était proche de toutes les couches de la société de l'Acadie. Ah oui, je crois que c'est quelqu'un qui se mélangeait très, très bien à n'importe quel groupe. Et effectivement, ce qui est assez particulier par rapport à 1755, c'est qu'il y a des chansons qui sont devenues un peu comme des folklores modernes, comme « Le monde a bien changé », par exemple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent les paroles, qui ont dû entendre ces chansons-là, je ne sais pas combien de fois, et qui ne savent pas que c'est lui qui a écrit les paroles. Mais d'un autre côté... Moi, je n'ai jamais vu Gérald exercer un genre de supériorité par rapport à qui que ce soit. Le moment qu'il rencontrait quelqu'un, il voulait toujours arriver à connecter avec ces gens-là. Et effectivement, tu as raison, je crois qu'il était très... c'est quelqu'un qui était très, très généreux. La preuve, c'est que les gens qui voulaient le rencontrer ou parler avec lui, il était très, très disposé. Et c'est pour ça que les gens l'adoraient, parce que là, il se mettait à parler de l'époque que nous, on avait vécu ou qu'on avait fait. Eux autres, ils étaient très curieux par rapport à ça. Donc, Gérald était toujours très, très ouvert. Ouais. Autre question? Ben moi, je pense que toute la musique contemporaine en Acadie, surtout du Sud-Est, est énormément influencée par Gérald. Je pense que Joseph Edgar, toute la musique des païens, l'arrivée du jazz, il a tellement prêté de disques de jazz. Je pense que c'est lui qui a aidé à rendre le jazz aussi populaire à Moncton. Puis le fait, son rapport à la langue a permis aux gens de se mettre à chanter dans leur langue usuelle. Ça a permis au chiac de prendre sa place comme langue d'expression, pas seulement dans la littérature, mais aussi beaucoup dans la chanson. Donc, je pense qu'on lui doit énormément dans le milieu musical acadien aujourd'hui. Oui, effectivement. Au niveau des arts visuels aussi, c'est comme je disais tantôt, il y a des gens qui allaient le consulter, puis Gérald se prononçait autant sur le cinéma que n'importe quoi. Je veux dire, il aimait tellement aider les gens. Et effectivement, au niveau de la musique, il y a eu une immense influence. Les païens, entre autres, qui l'ont accompagné souvent. Et il mélangeait aussi, il faisait des choses hybrides au niveau des lectures de poésie. Donc, non, effectivement. Autre commentaire, autre question? Je vais vous reposer, M. Chiasson, une question que je vous avais posée en pré-entrevue, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'œuvre de Gérald Leblanc. Par quoi commencer pour s'y initier? Et c'est Caroline Morin, la recherchiste, qui pose la question. Et depuis qu'on s'est parlé, moi, j'ai lu Gérald Leblanc et je le suggère à tout le monde parce que c'est une poésie qui est vraiment encore très contemporaine et qui, même si on ne vient pas d'ici, au contraire, nous donne envie de venir en Acadie puis nous donne envie de lire d'autres auteurs acadiens même. Donc, par quoi commencer? L'Extrême frontière, je pense, c'est un livre que je trouve important et qui se termine d'ailleurs justement sur sa position par rapport au Chiac. Mais je pense que c'est en même temps, c'est un livre parcours parce que je pense que ça commence dans les années 70. Même il y a des poèmes là-dedans qu'il avait pensé omettre. Et c'est Claude Beausoleil justement qui a mis un peu de pression en disant non, non, un auteur ne doit jamais se censurer. Et finalement, il a rajouté des poèmes qui était peut-être pas la position dans laquelle il était au moment où le livre a été publié, mais effectivement, je pense que c'est un livre important. Je pense de l'extrême frontière jusqu'à Éloge du Chiac, ouais. Où il a repris un titre d'un film de Michel Brault qui était venu ici à Moncton tourner et qui avait rassemblé un certain nombre d'élèves dans une classe à l'école Beauséjour. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est intéressé à ce phénomène-là, mais c'est une des premières manifestations, je pense, hein, au niveau du Chiac, où il y a quelque chose, où il y a comme une discussion qui a suivi. C'est un très beau film. Et ça ne dure pas très longtemps en plus, donc allez-y, non. C'est facilement disponible sur le site de l'ONF, c'est 25-30 minutes. Ouais. Autre question? Marc Poirier, juste un commentaire. L'œuvre de Gérald Leblanc continue à inspirer d'autres œuvres et dans d'autres domaines. Et je pense à la soprano acadienne Suzy Leblanc qui a fait un spectacle ces dernières années qui s'appelle Mouvance, qui est le titre d'un des poèmes de Gérald Leblanc. Qu'elle a ajouté à ça, je pense, une douzaine d'autres écrivains acadiens contemporains. Donc, il y a toutes sortes de ramifications. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, M. Chiasson. Merci.